Bête d'effroi, rien ne nous lie. Elle escalade un mur moisi. De son abdomen pustuleux, du sang bleuâtre suinte un peu. Dans l'ombre, elle rejoint son piège, qu'avec patience elle a ourdi. Voit que rien ne s'y désagrège, elle attendra. Trop peu nous dit.